Donc déjà, aussi, je vous invite à réserver cette date, hein, bien sûr, pour le 16 et le 17 septembre au Parc Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, c'est une journée aussi encore avec beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur. Et oui, on peut dire que c'est les vacances qui se prolongent, quoi. Mais pour ceux qui travaillent, c'est vraiment pas trop facile. Donc là, on va continuer tout de suite et avec une chanson de George Frayd, Allô Portugal. Apesar de tantas feridas, pelo comigo

para toda a vida. Acredito em raparigas, no que estou a falar. Não esperem muito para marcar o casamento. Vocês vão ver que depois vai valer a pena. A vida a dois tem muito mais intimidade. Acreditem que é verdade o que diz a vossa Helena. Cansada também da mora, também temos brincadeiras. Cansada também da mora, ai, a vida da casada é melhor que a de solteira. Cansada também da mora, só sabe quem é cansada. Cansada também da mora, é melhor ter um marido do que ter. Do meu coração, só

a festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. À festa, festa na minha aldeia. São gritos de vento no ar. À festa, festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. À festa, festa na minha aldeia. Eh oui, Luis Manuel, Festa na minha aldeia. Donc, Luis Manuel qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 17 septembre au Parc Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Mais il sera pas tout seul, hein. Il y aura aussi au Prince Tug, il y aura Claudia Caramelo, au Nelinho, au DJ Frankie, Capanegra, Leanne Cruz, donc Luis Manuel, Tradition d'Oil, Anaïs Carreira, aux Bombos du Soleil du Portugal, aux Amarantines Olivier et aux Bombos Amix de Portugal. ver, preciso dizer, não consigo aquela noite esquecer. Foi magia ou não, foi uma ilusão, está preso na pele, meu sabor anel. Estou perdido de amor contigo, por favor, faz amor comigo. Volto ao quarto 110, vamos ser felizes só mais uma vez, abraçar de novo. C'était José Mello à Quarto 110. Et on continue avec Léon Cruz, célébral. Donc Léon Cruz qui sera aussi avec Radio Arc-en-Ciel le dimanche 17 septembre au Parc Lignerolles. Donc on écoute Léon Cruz.

eu usava pra retocar o batom. Grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobressaía o som. Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela vi, puxou assunto comigo. Nem deu tempo dos meus brothers me avisar, vaza que é perigo. E eu acordei com a perigosa, e eu fiz amor com a perigosa. Ela é da rua ligeira, solteira, tô de cabeça canseira. Aí chamei na hora, eu acordei com a perigosa, e eu fiz amor com a perigosa. Ela é da rua ligeira, solteira, tô de cabeça canseira. Porque sabe que é gostosa. Cabelo preto, luz refletindo no espelho do copo que você usava pra retocar o batom. Grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobressaía o som. Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela vi, puxou assunto comigo. Nem deu tempo dos meus brother me avisar, mas aqui é perigo. E eu acordei. C'était Linda Net, non dà pra se casada. Et on poursuit avec la tradition d'Oiro, à l'homme au pauvre, et c'était demandé de Jérôme pour sa maman, et pour moi-même. Donc j'en profite aussi pour lui passer et lui souhaiter un bon week-end. Donc on écoute la tradition d'Oiru, Alomo Povo, la tradition d'Oiru qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 17 septembre au Parc Lignol. On écoute. Alô, meu povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no bar rico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no bar rico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Toda a gente vem daí, vem para o meio, para a beira da multidão. A festa já começou, o povo já quer dançar. Vem para a festa cantar este refrão. A banda toca para o povo do terreiro. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança Maria para cá, dança Manel para lá. A noite é nossa, uma festa de invenção. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no bar rico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no bar rico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Vem para a festa da aldeia. É dia de festa, ninguém vai querer parar. A festa é a valer, o povo está animado. A gente gosta e ninguém se vai cansar. A banda toca para o povo do terreiro. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança a Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nova, uma festa de eleição. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos com paz no ar. Agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos com os braços no ar. Agita o pé, vem dançar no abrigo. Em casa que eu não fico, a festa vai começar. Eh oui, c'était Tradition d'Oiru, Alô Mo Povo. Donc Tradition d'Oiru qui sera avec, comme je disais tout à l'heure, avec Radio Arc-en-Ciel, le dimanche 17 septembre au Parc Lignol. Mais il n'y aura pas que, hein, bien sûr, il y a tout un panel de chanteurs, dont bien sûr vous retrouverez Francky, DJ Francky, le samedi soir, hein, juste avant le grand bal animé par le groupe Capanegre. Donc vous pouvez venir aussi à partir déjà du 16, hein, le samedi 16, à partir de 18h. Donc voilà, vous aurez Francky et pour commencer à animer la soirée, suivi de Capanegre pour faire danser les gens jusqu'au matin. Et le dimanche, on retrouvera bien sûr au Prince Tug, Claudia Caramel, au Nelinho, Leanne Cruz, Luis Manuel et Tradition d'Oiru, Anaïs Carrera, aux Bombes du Soleil du Portugal, aux Amalontines d'Olivet et aux Bombes Amigos de Portugal. Et là, on va continuer avec justement au Prince Tug. Au Malion, Malion. Malion, Malion, Et oui, c'était au Prince Touga qui sera présent, donc je vous disais, le dimanche 17 septembre au Parc Lignerol à Fleury-les-Aubrais avec Radio Arc-en-Ciel. Et on continue aussi justement avec une autre chanteuse qui sera présente aussi le 17 septembre, c'est Claudia Caramel. Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Chego pra um pela praia da tá. nosso olhar se cruzou e logo ficaste rendida. Meu charme te conquistou. Tu és a Julieta e eu o teu Romeu. Tu és a bomba de verão que meu coração escolheu. 96.2. Fica tempo. Lá pra frente é errado. É quiz. Invejoso não sou. Partilha só voz. Esta viagem é só de ida. Não faz assim, uauê. Eu vou ficar como é. Se tu saíres da minha vida, eu perco tudo, perco a vida. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, uauê. Uauê, uauê, uauê. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Não faz assim, uauê. Já cintura, eu não consigo controlar. Só pode ser uma comanda. Minha bebê, bebê, bebê, bebê. Faz assim, ué, ué, ué, ué. Minha bebê. Só queria ter um momento. paixão. É tão louca por te amar deste jeito. Não suporto esta dor no meu peito. Por não ter o teu amor só para mim. Sozinho aqui, a minha vida é nada sem teu amor. É uma vida sem nenhum valor. Eu preciso de ti. Não consigo mais evitar esta dor que há em mim. Nem conter o sentimento por ti. Se não posso viver. Ter um momento para te dizer, por tanto amar não me faça sofrer. Por esse amor, eu saber que te vais. Eu sei bem que não me queres paz. Pois eu fui o culpado por este amor acabar. Se pudesse voltar para ti, juro que te fazia feliz. Dá-me mais uma chance para te reconquistar. Se voltasse atrás no tempo, era o homem mais perfeito, sem si o momento de te amar. O culpado fui eu por não estar a teu lado. O culpado fui eu por ter te abandonado. Não te dei valor e agora o que vou fazer? O culpado fui eu. O culpado fui eu. Dói demais ficar na solidão e perder uma grande paixão. Não é fácil viver a vida sem o teu amor. Se eu pudesse voltar outra vez, nunca mais te faria sofrer. Estou à tua espera para matar a minha dor. Se voltasse atrás no tempo, era o homem mais perfeito. Sem o momento de te amar. O culpado fui eu por não estar a teu lado. O culpado fui eu por ter te abandonado. Não te dei valor e agora o que vou fazer? O culpado fui eu por não te paguei. O culpado fui eu por estar tão sozinho. E agora o que faz? O culpado fui eu. O culpado fui eu por não estar a teu lado. O culpado fui eu por te abandonar. Não te dei valor e agora o que vou fazer?

Braga, Bragança, Porto, Lisboa, no Alentejo, Algarve, no Porto, lugar. Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não me importa o tempo que passo, eu hei de voltar. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Não sei se vou aguentar o tempo que vou pra ficar, porque a saudade aperta o meu peito, dói demais. Eu nunca fui bom na cor do teu olhar, nunca senti o teu respirar. E a cor do meu desejo for como um capricho deste meu amor. Quero que sintas este meu calor ao sussurrar-te ao ouvido. Cresci desde o momento que te conheci e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. Foi logo depois deste meu momento, fiquei contigo no meu pensamento. Era tudo o que eu mais queria. E sim, vi logo a cor desse teu olhar, e olhar para mim sem pensar, e era para toda a vida. Cresci desde o momento que te conheci e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci e nos teus braços pelo meu desejo no calor do teu beijo. Desde o momento que te conheci e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. Cresci desde o momento que te conheci e é mais forte este meu amor. Sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. Tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. O tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor. Verdade. é pra eternidade. Dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Il est 19h sur l'arc-en-ciel et on va terminer avec cette jolie chanson de Roberto Carlos. Mais avant de terminer l'émission, on va parler un petit peu de la fête de la Saint-Jean avec mes invités qui se sont arrivés. Et on va en profiter un peu parce que après, il n'y a pas d'émission au Mavrica. Voilà, Albino est en vacances. Donc on va prendre un peu de temps. Et là, on va parler un petit peu justement de la fête qui va avoir lieu le 16 et le 17 au parc Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Et pour ça, j'ai dans le studio des invités, j'ai trois invités qui vont, bah, ils vont se présenter, mais vous allez les reconnaître. Vamos à fête. Et d'aqui 8 dias, gente. Alors là, c'était vous avez... pour travailler un petit peu, parce que j'ai l'impression que tu étais vraiment dans ton dodo, là. Hein? Ah, peut-être, peut-être. Et oui, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Le grand retour, et oui, là, le grand retour de toutes ces voix de radio aujourd'hui ici présentes. Merci. merci Manu de nous donner parole dans ton émission. Merci à toi. T'as passé de bonnes vacances? Oui, ça a été. Mais moi, ça fait déjà une semaine que je suis revenu. Mais bon. Ah, ben moi, c'est encore là. Mais bon, c'est encore tout frais. Pour moi, les vacances, ils continuent maintenant. Oui, je suis en vacances toute l'année. Oui, j'avais oublié. Oui, c'est vrai que c'est pour, ta, pour ça qu'on te sollicite autant. Oui. Entre-temps, oui, c'est vrai. Vamos falar aqui um bocadinho da nossa festa dos Santos Populares, mas eu não estou sozinha. Je suis bien accompagnée d'un homme et d'uma mulher, uma voz d'homem, uma voz de mulher, une voix de radio et une voix du conseil. Bonjour, monsieur Alberto. Bonjour, Christine. Bonjour à tous. Bonjour, ah, Marco. Il a aussi le sourire. Ouais. La banane. Bah, je suis encore en vacances, c'est pour ça. T'es encore, ah, il oui, est c'est encore, bon. Ouais. Bonjour, madame Sylvia. Bah, madame Sylvia, elle est plus en vacances. Ah oui, ça, c'est moi. Eh oui, tout a une fin. Hein. Eh. Eh ouais, bah, il faut bien qu'il y en a qui bossent. Hein. Ouais, bah, faut penser à payer les prochaines vacances. Hein. Tout à fait. Mais oui, mais on a le sourire parce que dans une semaine, on fait la fête, donc on est content. Ouais, tout à fait. Dans une semaine, on va commencer, bah oui, on peut dire que de vendredi. Dans 8 jours, on y est. On y est déjà. Dans 8 jours, on est dans la ferveur. Apparemment, il va faire beau. Pas les gros chaleurs comme là. Bah, en fait, Manu, j'ai une requête. Ouais. Arrête de chanter pour qu'on ait du beau temps, s'il te plaît. Ah, alors, moi, je suis pas magicien, mais je fais confiance à la météo. Pour l'instant, il donne du beau temps. Temos que ensaiar d'encontrar un bruxinho que nos ouais. Mais... Non, et levar o São Pedro para lá. Mais de trop chaud comme dernièrement, on non, a eu, là, pas c'est trop un peu trop. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, croisons ça les ça va se maintenir. Voilà. Donc, parlons de notre fête, parlons sérieusement. Donc, une affiche bien remplie, auquel on retrouve un petit peu de tout de la musique portugaise et française sera présente. On commencera le samedi après-midi avec os bombos, claro. Os nossos bombos estarão presentes, os bombos Soleil du Portugal, os bombos Amarantinos de Olivet et os bombos Os Amigos de Portugal. Donc, c'est eux qui ouvrent les festivités, alors? À fond. Voilà. Eh oui, c'est ça, c'est de... cette partie-là qu'on aime bien. Et c'est à partir de? Alors, mes chers collègues, mes chers beaux-frères, mes chers amis, queremos o parque prontinho à partir das 17 horas. À partir de 17 heures, parque propre pour recevoir du public. Jesus, je t'ai vraiment fogo. On va. Et oui, faut être prêt. Ouais, on va essayer, ça va le faire. Dans le coup de 18-19 heures, bien sûr que nos stands, qu'on va en parler un petit peu plus tard, vont être prêts. Et monsieur DJ Frankie, eh ben, il est prêt à nous levantar poeira. Lui, il va levantar poeira. Et donc, nuit blanche. Eh oui, une nuit blanche, on aimerait bien. On a déjà essayé l'année, non pas l'année dernière, mais l'année avant Covid. C'était pas trop mal. Et donc, Frankie, là, il s'est mis dans la tête réessayer parce qu'il veut faire le plus grand Madison d'Orléans. Et non seulement. Il est à fond, hein, je l'ai vu l'autre fois, il est à fond. Là, il est à fond. Ah, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, parce que là, aujourd'hui, on est là pour travailler jusqu'à pas d'heure, bien sûr. Et ce soir, on est en train de confirmer tout le monde, voir si tout le monde est là et tout ça. Et effectivement, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit, t'es prête? J'ai dit, oui, ah, je suis prête. Non, il est à fond. La banane. Donc, je pense qu'il va... Ça et va donc, y aller. Chers auditeurs, la plus belle chose à faire, c'est effectivement faire plaisir à notre radio et rendre hommage à notre radio et à notre animateur Francky, d'essayer de faire effectivement pas le plus grand Madison d'Orléans, mais essayer d'aller au-delà d'Orléans, ça serait l'idéal. Aussi, donc tout de suite après, eh ben les Capanegra, ils seront là et ils vont mettre le feu parce qu'ils nous ont promis plein de belles choses, plein de bonnes surprises. Et ben, de nouveautés, hein, j'ai cru comprendre. Tout aussi. À fait. Donc, ouais. Ils sont prêts à nous dévoiler plein de belles choses. Et le dimanche, on commencera avec o Prince Tuga, o Nelinho, Claudio Caramelo, Leanne Cruz, Luís Manuel, Tradição d'Ouro, Anaís Carreira e os Bombos novamente. Plein de belles choses seront là présentes donc pour notre belle fête. Une fête totalement différente parce que cette année, on ouvre notre parc aux restaurateurs. Donc, les restaurants seront sur place. Restaurants et non seulement parce qu'il y a des food trucks, il y a un petit peu de tout. Donc, on aura des glaces et des gaufres. Nous aurons Restaurant Grill chez Bifan, qui est un grand restaurateur qui vient de Paris, ou spécialiste de Bifan. Pizza Paulino, avec son joli food truck qui sera là. Crepni, pareil, c'est un food truck qui sera présent. Antonio Barbecue est au rei do porco no espeto. Adopt, spécialité avec son bon café au cantinho de nossa terra, especialidades brasileiras. O Império também vai estar presente. Star Music System, avec sa belle structure modernistique, Soditra, Sodiloc, GB MyCar, donc Volkswagen, le Crédit Agricole, MotorTech, avec son stand pour pouvoir améliorer la performance de vos voitures, Modstar, la mode au féminin, Calypso, AFR Financement, Eurocoach, Natalia Fonso, Simone Vouloso, qui est une artiste peintre, c'est merveilleux ce qu'elle fait aussi, c'est de l'art de l'art portugais, tradição de arte portuguesa estará presente, o cantinho, não, a lojinha da Rosália, avec un bon son spot que é magnífico. Ainda compras a tua roupa em Portugal e acessórios em Portugal, não venhas carregado de roupa, guarda o espaço na mala para os miminhos da família. Se és imigrante, já podes comprar na França com o preço de qualidade e de Portugal. Nathalie, avec ses bijoux, la Caixa Geral de Depósitos, tout ça, ce sont les stands. Et un petit peu de musique, et on reprend avec nos sponsors. Oui, on va mettre juste une petite musique, mais après, bon, on sait quoi. Tu sais qu'après, on a une réunion. On a une réunion, ils nous attendent, mais c'est important qu'on remercie tout le monde. C'est pour dire, déjà pour dire à tous les gens qui nous écoutent que voilà, ils peuvent venir, il y aura à manger et à boire sur place, hein, voilà. C'est différent des autres années. Mais rassurez-vous, il y aura la grande restauration parce que nous avons le restaurant Au Grill qui sera sur place, hein. Donc c'est déjà, et puis tous les petits stands, comme tu dis, là, les petites cabanes, comment t'appelles ça, les food trucks. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, venez déjà le samedi soir, venez, vous mangerez sur place, et bien sûr vous aurez, il y a la buvette, il y aura tout comme les autres années. On essaye d'améliorer aussi pour lever un petit peu le pied par rapport à nos bénévoles qui prennent de l'âge et qui ça devenait aussi un poids, parce qu'effectivement c'était beaucoup de travail. Voilà. C'était beaucoup de travail. Et aujourd'hui faut alléger ça, et on a des commerçants qui sont prêts à faire ça. Voilà. Et aussi faut pas oublier une chose, c'est encore une fois, on ne le dit pas assez peut-être nous ici à l'antenne, mais on y pense, c'est remercier tous nos sponsors. Parce que c'est grâce à eux que... Donc, tu as décidé de ne pas mettre de la musique, c'est ça? Si, mais bon... Mais c'est pas grave, on va y aller. Donc, on voulait remercier tout d'abord nos animateurs. Je voudrais recommencer par eux, parce que nos animateurs, malgré les congés, ils ont su être là. Et je remercie nos animateurs qui aident à la promo de notre événement. Et c'est très important que chacun d'eux puisse promouvoir cet événement, c'est important. Après, mon remerciement et celui de mes collègues, il va au conseil d'administration. C'est vrai qu'on met un petit peu de côté nos familles, et c'est beaucoup d'heures de travail aussi gratuitement, parce qu'on travaille bénévolement pour cette radio. Mais au moment de la Saint-Jean, parce qu'on en a eu deux quand même, deux Saint-Jean pour en faire une, c'est pas cool ce qui nous est arrivé, mais on se doit de la refaire, pas pour nous, mais pour vous, chers auditeurs, pour vous, communauté portugaise, et non seulement. Donc, on aimerait bien que, effectivement, on puisse la réussir, cette fête. Et c'est grâce à vous tous, c'est pas grâce à nous, hein, parce que nous, on n'y est pour rien, on met en œuvre, et on aimerait bien vous remercier aussi. Merci le public qui sera présent, et surtout à nos auditeurs qui sont là très souvent à nous écouter. Et puis, un grand merci à nos bénévoles, du plus grand au plus petit. On remercie tout le monde, parce que c'est un moment difficile. Parfois c'est le rush d'être au dernier moment, de courir partout et de tout préparer, chacun dans ce qu'il sait mieux faire. Mais effectivement, on voudrait aussi remercier tous nos bénévoles. Et on va remercier nos sponsors. Donc, merci Sylvie d'être là et de m'aider. On va dire chacune notre tour. Qui sont eux? Ils sont qui? Eh bien, tout simplement, on a Aurelec, entreprise électricité générale, plomberie, alarme, monsieur Bernardino de Azevedo, un grand merci. Adopt Speciality. J'entends pas très bien Sylvie. Ah, ça va mieux. Très bien. Donc, Adopt Speciality. Et Quinta de Pacheco. Polo et Marine Restaurant. SNP Ravalement. Hôtel 3 Vallées. Frentugal TV. RD45 Lavielle. Le Panier du Monde. L'Atelier Papille. L'Entreprise Générale du Bâtiment Albert Coelho. Crédit Mutuel. RPG International. La mairie de Fleury-les-Aubrais, très important. Tout à fait. Vasco et Frères. AEB, location et vente. DGA, CCP, Direção Geral das Comunidades Portuguesas. Um grande obrigado a eles também. Mariano. Luz ao Jornal. Superboc. AS Sécurité. Hyperu Boul. Aldora Construction. Balsa Rénovation. Vite et Couverture. Batimaya. Gonçalves Mécanique, Carrosserie Peinture. Casa Isolation. Correia Alves Manuel, création de salle de bain carrelage. GP Rénovation. Montage de pneus à domicile de Ponte. João Pereira, maçonnerie. D'accord. DSA Rénovation. Samicar Carrosserie. Entreprise Oliveira. Magalhães Dominique, URL AMD. Gilles Création Rénovation, GCR. Imperio Assurance. JDA. JR Service. Brasilia Bar Restaurant. Le Tamaris. Les Amis du Bâtiment. MCR 45. MPS Maçonnerie Carrelage Rénovation Immobilière. MTP 45. NVL Propriété et Services Associés. SARL Pavigor. Pereira Ravalement 45, Philippe Pereira. Pro Rénovation Qualité. Ricardo Fernandes Réhabilitation Aménagement de l'Habitat. RM Rénovation. SARL de Barros, Ravalement 9, Rénovation. MCJ, Entreprise Générale de Bâtiment. Plaquiste Peintre Dominguez Sergio. Service Après Construction. CIMAC, Entreprise Générale du Bâtiment et Construction. SMP Ravalement. SIN Maçonnerie Ravalement Vitor Santos. Taxi Flooring. Villard DS. DLP Plomberie. DMC Couverture Zingris. Assador Typico. Et côté belle, côté bricot. Ah, merci. Muito obrigada à vos Moi, je voulais rajouter un que j'ai de marché ce matin parce qu'on avait manqué quelque chose. Et la personne m'a dit oui tout de suite. Donc, je voulais remercier M. Clément de la Silva. GVC et sa faudage. Avec Léry Saint-André. En tout cas. Tu en as d'autres, Alberto? En tout cas, un grand merci à tous ces gens, justement, qui suivent et qui nous aident à la radio. Encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps, si aujourd'hui on arrive à faire ces événements, que ça soit la Saint-Jean ou que ça soit des balles, tout ça à l'extérieur, c'est grâce à ces gens-là qui apportent leur soutien à cette radio. Parce et que... qui ont su percevoir l'importance de Radio Arc-en-Ciel et l'importance qu'ils ont pour nous aussi. Parce que faut le dire, et on le répète peut-être pas assez, notre radio, elle fonctionne, elle a besoin de moyens. Les gens, il y a des appareils à changer, à réparer, à moderniser. Tout à fait. On n'est pas, je veux pas critiquer les autres associations, et loin de là. On n'est pas une association lambda, on n'est pas une association qui crée un événement, point. Nous sommes une association, il y en a une fierté, et à savoir que nous avons les anciens qui sont derrière nous et qui nous surveillent de près, et heureusement qu'ils sont là, et on aime savoir qu'ils sont là. Et il faut voir, c'est ce qu'on dit tout le temps, il y a 36 ans, 35, 36, 36 ans, Radio Arc-en-Ciel a été créée pour quelque chose. Pour la communauté. Souvent, on dit Radio Arc-en-Ciel n'est pas que portugais. Effectivement, on n'est pas que portugais. Et loin de là, et on veut pas non plus cette minorité de personnes. Au contraire, on est une radio intercommunautaire et on se doit de continuer intercommunautaire. Par contre, effectivement, il y a 36 ans, quelque chose a été créé. Il y a une dizaine d'années, moi personnellement, en tant que présidente aujourd'hui, on m'a mis quelque chose entre les mains et on m'a dit « la petite ». Nunca deixes ir abaixo o que foi construído. Et c'est notre devoir aujourd'hui. Des fois, on se prend des claques. Des fois, encore tout à l'heure, on a passé quelques coups de fil. On a eu des abandons. Et si aujourd'hui, on a fait appel à ce nouveau sponsor, JBC Clément da Silva, merci à toi parce qu'effectivement, nous avons eu un désistement d'une entreprise très importante et qu'aujourd'hui, on a su se retourner vers le côté et on a su avoir cette personne qui est très importante aujourd'hui, pas plus importante que les autres, mais chacun est important dans sa spécialité. Et j'avoue sincèrement, tout comme Monsieur Bernardino de Asvir, notre plombier, et si vous saviez combien chacun apporte une importance à notre fête, et comme je disais tout à l'heure, si aujourd'hui on fait des fêtes, des bals ou autres, c'est pour maintenir debout une antenne radiophonique. Et qu'aujourd'hui, nous sommes la troisième dans toute la France à émettre en portugais. Ayant cette fierté, parce qu'on parle portugais, on parle français, on s'en fiche un petit peu, mais quelque part, on a une fierté d'avoir une radio entre les mains. Et au combien d'autres communautés aimeraient bien être à notre place. Donc réfléchissons, ne laissons pas tomber ce qui aujourd'hui nous a été donné gratuitement, on va dire. Aujourd'hui, oui, il faut des frais parce que le matériel s'abîme, le matériel, ça s'use. Hein. Et n'oubliez pas, Radio Arc-en-Ciel a besoin de toute la communauté. En tout cas, un grand merci à tous ces gens-là, à tous ceux qui nous aident. Et encore une fois, la radio, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir même la visiter. Voilà, il y a aujourd'hui nous avons une permanence. Hein, tous les jours il y a une personne qui est là, donc qui veut peut venir à notre même radio. Même nous écrire la critique est constructive et moi j'aime qu'on nous venir, critique parce venir que venir la visiter et puis voilà pour voir comment est notre radio. En tout cas encore une fois un grand merci et je vous donne rendez-vous donc le 16 et 17 septembre à Fleury des Aubrais au parc Mignerolles. Cheio de sorriso e boa disposição. Voilà. Plante de dançar. Voilà. Moi, pour ma part, voilà, l'émission est terminée. Donc, je vous donne rendez-vous. Alors, vendredi prochain, peut-être, ça dépend si on a bien avancé sur le parc, je viendrai faire mon émission. Comment ça? Bah, oui. Quem sonha alto, às vezes, pode ir em frente. Sinon, mais vous inquiétez pas, on vous passera quand même une petite playlist pour pas vous rester tout seul. Normalement, t'as un binôme dans l'émission. T'as un binôme. Non, mais le binôme, on a besoin. Non, mais ça va pas bien, vous deux. Non, mais donc, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir au parc. On y est depuis vendredi après-midi jusqu'à lundi soir. Donc, n'hésitez pas. Toutes les mains sont les bienvenues. Encore une fois, en tout cas, voilà, on vous souhaite un bon week-end à tous, un bon fin de semaine. Et on vous donne rendez-vous au week-end prochain, le 16 et le 17. Yes. Abras. Allez, ciao. Merci. Ciao, ciao. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Olá, meus amigos. Eu sou Hugo Manuel e vou estar no dia 7 de outubro na sala Espaço Motition com a minha banda, em parceria com a Rádio Arc-en-Ciel. Bilhetes à venda no restaurante Tamaris, Rádio Arc-en-Ciel ou também através do número 06 34 19 23 91. E espero por todos vós. Um grande obrigado. Quando penso em ti.

podias ter sido alguém, mas foste esquina da rua. Podias ter sido bem, podias ter sido bem, mas foste esquina da rua. Aos destaques da informação desportiva. Do estúdio para o estádio, neste jornal, Bratislava e Passos da Ferreira, jogos da seleção das esquinas e dos Sub-21 rumo ao Campeonato da Europa. Os resultados positivos nas finanças do Sporting, o sonho do Braga em ser campeão e as culpas que Pinto da Costa atribui.